إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، nous entamons inshallah un nouveau cours du livre مذكرة في العقيدة للشيخ العلامة الدكتور صالح بن سعد السحيلي حفظه الله تعالى. يجي حفظه الله: سبب ضلال من ضل في أسماء الله عز وجل وصفاته. La cause de l'égarement de ceux qui se sont égarés sur la question concernant les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. نشأ السلف الصالح من الصحابة والتابعين على الإيمان بأسماء الله وصفاته كما أسلفنا. Donc, les pieux prédécesseurs ont avancé dans la foi concernant les noms et les attributs comme on l'a vu précédemment. Voilà le cheminement sur lequel ils étaient. Parmi les compagnons et les tabi'in, ils avaient foi en ce qui a été révélé et rapporté authentiquement comme nom et attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils le comprenaient, ils connaissaient le sens des mots employés, car ils sont employés dans une langue arabe claire et évidente. Et ils ignoraient le comment. Et ils savaient que c'était un devoir, une obligation d'y croire. Et qu'il y avait l'interdiction d'entrer dans la question qui dit comment. Donc, ceux qui sont venus avec cette question n'ont fait que des innovations. Une chose qui n'était pas connue chez les premiers musulmans. حتى ظهرت فرقة الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان مؤسس هذه الفرقة الضالة الذي أخذ فكرة نفي أسماء الله وصفاته عن الجعد ابن درهم، والجعد أخذها عن أبان ابن سمعان الذي أخذها بدوره عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي المعروف. Donc, ils étaient à l'abri de ce mal et de cet égarement. Ils ne connaissaient pas ces choses qui ont été dites concernant les noms et les attributs d'Allah jusqu'à qu'est apparu la secte de Jahmiya. On les appelle Jahmiya car ils sont affiliés à leur fondateur qui s'appelle Jahm ibn Safwan, qui est le fondateur et qui est à l'origine de cette secte égarée. Et lui, il a pris cette opinion ou cette idée concernant les noms et les attributs d'Allah, cette idée de renier, de rejeter les noms d'Allah et ses attributs, il a pris cette idéologie de Al-Ja'd ibn Dirham. Et Al-Ja'd ibn Dirham, lui, il l'a prise de Aban ibn Sam'an. Et lui, Aban ibn Sam'an, il l'a prise de Talut, un juif qui s'appelait Talut, qui était le neveu, le fils de la sœur de Labid ibn al-As'am, ibn al-A'sam, excusez-moi, de Labid ibn al-A'sam qui est connu. Labid ibn al-A'sam, dans la Sira, c'est celui qui a ensorcelé le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, l'origine même, à la base, de remettre en cause et de renier, de rejeter les noms et attributs d'Allah, cela émane d'un juif qui a introduit cela chez les musulmans pour les égarer de la droiture. Fasara manshaa fikrati at-ta'til min al-yahoud. Donc, la source même du négationnisme, du rejet des noms et des attributs, nous provient de chez les Juifs. Il anna jahman wa man sabaqa qad tatalmadu ala al-yahud fi dhalik. Car al-jahm, qui est à l'origine de la secte de Jahmiya, et ceux qu'on a cités qui l'ont précédé, ils ont été les élèves des Juifs sur cette question. ثم انتشرت هذه الفكرة في القرن الثاني بزعامة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد اللذين أسسا مذهب المعتزلة. Puis, cette idée, elle s'est propagée dans le deuxième siècle de l'Égypte. À la tête de cette idéologie, il y avait Wasl ibn Atta et Amr ibn Ubayy, qui sont les fondateurs de la secte des Mu'tazila. والذي هو إثبات الأسماء وإنكار أو تأويل جميع الصفات. Et eux, Al-Mu'tazila, ils affirment les noms et ils renient, rejettent et altèrent en interprétant faussement les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم تفرعت عنهم فرق كثيرة. Puis, de cette secte Al-Mu'tazila sont sortis beaucoup d'autres sectes. وهم ما بين مقل ومكثر في التأويل والتعطيل إلى يومنا هذا. Et toutes ces sectes qui à la base découlent et sortent de la secte mère qui est le Mu'tazila, ils sont plus ou moins dans l'égarement sur cette question entre ceux qui rejettent beaucoup et ceux qui rejettent un peu parmi les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad banaw ma dhahabu ilayhi min at-ta'til wa at-ta'wil ala asl al-batil as-sanur min 'indi anfusihim. Et ils ont construit leur idéologie, madhabu ilay, là où ils sont partis, là où leur idéologie est arrivée, comme négationnisme et altération, c'est-à-dire interprétation fausse, et pour faire cela, ils se sont basés sur un fondement qui est faux, qu'ils ont inventé eux-mêmes. C'est comme lorsque, par exemple, des fois, on parle avec des gens et ils vous répondent par des règles. Et ils disent, oui, mais il y a telle règle qui dit. Premièrement, à la base, il n'y a pas de règle. À la base, il y a les textes. Et les règles réelles et véridiques découlent des textes. Ce n'est pas les règles qui sont là à la base. Et les textes sont venus après. Mais les ulama ont extrait les règles des textes. Lorsqu'ils ont amassé toute la science, les versets et les hadiths, et ils les ont étudiés, bien assimilés, de là, ils ont sorti des règles. Et ils ont compris les règles qui découlent de ces textes. Maintenant, on est face à des gens qui considèrent les règles comme la base. Et à cause d'une règle, on est en droit de rejeter un texte. Ça, c'est un faux fonctionnement. Et comme disait Cheikh Mohamed Amal, Ibn Ali al-Jami, ce grand savant, un docteur, un grand professeur de Médine, de la mosquée du prophète sallam et de l'université islamique de Médine, d'origine éthiopienne, rahimahullahu ta'ala, il dit, les règles sont acceptées tant qu'ils sont en conformité avec la législation. Donc si quelqu'un nous ramène une règle qui contredit la législation, cette règle, elle est fausse et elle est à rejeter. Faqalu, et ils ont dit, هذه الصفات هي صفات الأجسام. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rappelez-vous ce qu'on a dit précédemment, le raisonnement. Ils lisent, ils voient des attributs, tout de suite, ils essaient de donner une description à ces attributs. Puis, de peur de donner un corps à Allah, ils rejettent les attributs. Alors qu'à la base, ils n'avaient pas à réfléchir comme ça. Mais d'accepter ce qu'Allah nous a révélé, sans entrer le raisonnement là où il n'a pas entré. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ces attributs, ce sont des attributs qui appartiennent à un corps. فَيَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِهَا أَنْ يَكُونَ اللَّهُ جِسْمًا. Et ils ont conclu que si on affirme, on reconnaît ces attributs, ça veut dire qu'on affirme à Allah un corps. Vous avez vu le calcul qu'ils ont fait? Subhanallah. Ça rappelle la confrontation qu'a eu Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avec des innovateurs de son époque. Et sur la question des attributs. Et ils lui ont dit, mais si on reconnaît les attributs, c'est qu'Allah il a un corps. Et il leur a dit, où est-ce qu'Allah a dit qu'il a un corps pour que nous on affirme qu'il a un corps? Ça, c'est vous qui le dites. Il n'y a pas de verset de hadith qui parle de ça, subhanallah. C'est vous-même. C'est votre petit raisonnement qui le dit. Et il n'y a aucun texte. Et sur Allah, on ne parle qu'avec la révélation. طيب هذا منشأ ضلال عقولهم. Voilà la base même de l'égarement de leur raisonnement. لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموا من خصائص صفات المخلوقين. Ils n'ont compris dans les attributs d'Allah que ce qu'ils ont compris comme spécificité concernant les attributs des créatures. فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه. Donc, au tout début, ils ont donné ressemblance à Allah avec leur raisonnement mauvais à ces créatures. ثم عطلوه من صفات كماله. Puis, ils lui ont enlevé, ils lui ont renié les attributs parfaits qui lui appartiennent. Subhanahu wa ta'ala. وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات. Et en faisant cela, ils ont fait ressembler Allah à ceux qui ont des manquements, aux choses qui ont des manquements, qui leur manquent des choses, et à la nature. Al-jamadat, c'est tout ce qui n'a pas d'âme, comme la pierre, la roche, les arbres, la flore et le néant. فَشَبَّهُ أَوَّلًا وَعَطَّلُ ثَانِيًا. Donc en premier lieu, ils ont fait ressembler, puis ils sont tombés dans le négationnisme. وَشَبَّهُهُ ثَالِثًا بِكُلِّ نَاقِسٍ وَمَعْدُومٍ. Et puis en troisième lieu, donc ils ont fait ressembler. Ils ont renié, et en reniant, ils ont fait encore ressembler. Ils ont fait ressembler à ceux qui ont des manquements, qui leur manquent des choses, et ils l'ont fait ressembler au néant. فَتَرَكُوا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ مِنْ إِثْبَاتِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ عَلَى مَا يَلِيكُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا. En faisant cela, ils ont délaissé ce qui est prouvé dans le livre, le Coran, et dans la sunna, les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, qui prouvent l'affirmation de ce qu'Allah s'est reconnu ou affirme comme attribut et nom pour sa propre personne, ainsi que les attributs et noms que lui affirme son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela plaît à Allah et comme cela est conforme à sa grandeur et à sa puissance subhanahu wa ta'ala, et voilà le chemin sur lequel étaient les pieux prédécesseurs de la communauté ainsi que leurs imams. فَإِنَّهُمْ أَثْبَتُوا لِلَّهِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم إِثْبَاتًا بِلَا تَمْثِيلٍ وَتَنْزِيهًا بِلَا تَعْقِيلٍ. Eux, les pieux prédécesseurs et les imams de la communauté, ils ont affirmé à Allah ce qu'il s'est affirmé lui-même à sa personne, ainsi que lui a affirmé son messager sallallahu alayhi wa sallam, une affirmation, une reconnaissance sans le faire ressembler, et une purification, purifie Allah de toute ressemblance aux créatures sans négationnisme et sans rejet de ses noms et de ses attributs. فَإِنَّ الْكَلَامِ فِي الصِّفَاتِ فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوة. Parler sur les attributs d'Allah, c'est comme parler sur Allah subhanahu wa ta'ala. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا خلافا لأولئك المعطلة الذين بنوا مذهبهم على هذا الأصل الفاسد المخالف للعقل والنقل. Donc les adeptes de la sunna reconnaissent à Allah ce qu'il s'est reconnu pour sa personne. Et ces négationnistes, ces gens qui renient, qui rejettent, qui altèrent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils reconnaissent la personne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'Allah existe. Mais en disant cela, ils savent que sa personne ne ressemble pas aux autres personnes parmi les créatures. Et Al-Sunna disent ceci. Bien sûr, ils reconnaissent à Allah sa personne comme ils reconnaissent aux créatures leur personne. Et Allah ne ressemble pas à cette créature. Et au même moment, ils reconnaissent à Allah ce qu'il s'est affirmé à lui-même comme attribut ou lui a affirmé son messager sallallahu alayhi wa sallam parmi les attributs de perfection qui sont propres à sa grandeur et à sa majesté. Et ces attributs ne ressemblent en rien aux attributs des créatures car eux, ils croient et ils ont la foi au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam et ils ne sont dans aucune contradiction contrairement à ces négationnistes qui eux ont fondé leur foi, leur doctrine sur un fondement qui est faux et mauvais qui est en contradiction totale avec le bon raisonnement et avec les écritures saintes. Puis le cheikh nous dit, Al-Rabi'a, quatrième point, Al-Shirku wa Aqsamu. Le polythéisme et ses différentes sortes. A'rafna fima sabat al-tawhid wa Aqsamah. Fakana la budda min ma'rifat diddi, wa huwa al-shirk. Wa kama yuqal. وبضدها تتبين الأشياء. Nous avons connu et vu précédemment le monothéisme et ses différentes catégories. Et obligatoirement, on se doit de connaître son contraire, qui est le polythéisme. Et comme il est dit, et c'est avec son contraire que les choses se clarifient. Une chose, on ne peut la connaître convenablement que lorsqu'on connaît son contraire. Vous connaissez le bien. Le bien, vous le connaissez. C'est parce qu'il y a le mal. S'il n'y avait pas de mal, vous ne savez pas c'est quoi le bien. Donc, une chose, on la connaît. Et on sait quand est-ce qu'on l'a vu parce qu'on connaît son contraire. Et c'est pour cela que les Sahaba sont les plus grands croyants après les prophètes. Car la majorité d'entre eux ont connu les ténèbres, ont connu l'époque pré-islamique, ont connu le polythéisme. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'islam, ils ont quitté les ténèbres pour entrer dans la lumière. Et c'était les plus grands monothéistes. Radiallahu anhu. Et Omar disait, je crains dans cette communauté pour ceux qui naissent dans l'islam et qui n'ont pas connu l'époque pré-islamique. Et c'est pour cela que vous verrez souvent quand quelqu'un est dans un bien, il a tendance à oublier le bien dans lequel il est. Il ne le voit pas. Et celui qui est dans un mal, il est jaloux de celui-là, il aurait voulu avoir sa place. Alors que lui, il passe à côté, il ne sait pas dans quel bien il est. Subhanallah. Et quel grand bien lorsqu'une personne, elle est dans le bien et il en est conscient. Subhanallah. Et il sait dans quel bien Allah il a mis. Vous en avez beaucoup en France par exemple. Beaucoup ne connaissent pas l'arabe. Et on sait que quand ils sont, Allah les guide, les gens, ils veulent quoi? Ils auraient voulu avoir accès à la langue arabe. Lire les livres. Et combien sont arabisants et ils se fichent de ce qu'il y a dans les livres? Subhanallah. Combien sont arabisants? Ce n'est pas leur premier souci. Et celui qui ne l'a pas, il aurait voulu l'avoir pour pouvoir directement avoir accès aux sources. Subhanallah. Taïf. Donc, at-tawhid, on ne peut le connaître convenablement qu'en connaissant son contraire, qui est le shirk, qui est le polythéisme. Ça, c'est une réponse à celui qui dirait, mais pourquoi j'apprends le tawhid, j'applique le tawhid, j'ai pas besoin de connaître le shirk. Non, parce que le shirk, si tu tombes dedans, tu ne le sauras pas, parce que tu ne le connais pas. Et t'apprends le shirk pour l'éviter. T'apprends pour deux raisons. T'apprends ce qui est un bien pour l'appliquer. Et t'apprends ce qui est un mal pour l'éviter. Et pour être à l'abri de ce mal lorsqu'il viendra se présenter devant toi. Comme a dit Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, « Kana al-nasu yas'alouna Rasulallah sallallahu alayhi wa khayri wa kuntu as'aluhu al-shari makhafata ibn al-Kalim. » Les gens questionnaient sur le bien au messager d'Allah, et moi je questionnais sur le mal de peur que ce mal se présente à moi. Que dois-je faire lorsque je serai face à ce mal? Et comme on dit en français, un homme averti en vaut deux. Il vaut deux personnes. C'est-à-dire celui qui n'est pas averti mais tout seul. L'autre, ils sont deux. Parce que lorsque tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, et tu es tombé dans un trou, mais lorsque tu entends que la personne, à toutes les fois, il tombe dans le même trou, ce n'est pas la même chose. L'action, c'est la même, c'est de tomber dans un trou. Mais lui, il ne savait pas qu'il y avait un trou. Mais lui, comment se fait-il qu'à chaque fois qu'il y va, il retrouve un même trou? Tu tombes dans un autre trou, ce n'est pas un problème, parce qu'il ne le savait pas. Mais dans le même, non. Tu tombes une fois, pas deux fois. Et comme disait Omar ibn Khattab, le croyant, on ne le mord pas au même endroit à deux reprises. Tu le fais une fois, tu ne le fais pas deux fois. Subhanallah. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça l'importance de l'avertissement contre le mal et contre le polythéisme. Taïf. Wa sawfa natakallamu anhu fi an-niqat al-atiyah. Puis il dit, hafidhahullah, nous allons parler sur la question du shirk, du polythéisme, et plus précisément sur les points qui vont suivre. Awalan, ta'rif al-shirk, wa bayan aqsami, wa hukm kulli qism. Donc, premièrement, la définition du polythéisme. Et il va nous clarifier ces différentes catégories. Et le jugement concernant chaque catégorie. ثانياً لماذا ندرس هذا الباب. Deuxièmement, pourquoi nous étudions ce chapitre. ثالثاً سبب وقوع الشرك في العالم. Troisièmement, quelle est la cause ou la raison qui a fait qu'on est tombé dans le polythéisme dans ce monde. Awalan, premièrement, ta'rif al-shirk wa aqsam, définition du polythéisme et ses catégories. Al-shirk huwa musawatu Allah billahi fi ma huwa haqqun lillah. بمعنى صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله وينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر. définition du polythéisme et ses différentes catégories. Le polythéisme, c'est de donner un égal, un semblable à Allah dans ce qui est propre à Allah, dans ce qui est un droit exclusif à Allah, c'est-à-dire de diriger une adoration parmi les différentes adorations à autre que Allah. Et le polythéisme se décompose en deux parties. Le premier, c'est le polythéisme majeur, le plus grand polythéisme. Deuxièmement, le polythéisme mineur, le plus petit polythéisme. Al-Shirk al-Akbar, le plus grand polythéisme, le polythéisme majeur. وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. C'est le fait de diriger une adoration parmi les différentes adorations à autre que Allah. كمن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله. Comme celui qui immole une bête pour autre que Allah, qui fait un vœu pour autre que Allah, qui invoque autre que Allah, qui demande le secours à autre que Allah. فَمَنْ يَسْتَغِيثُ بِالْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ أَوْ بِالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بحجة أن ذلك يقربه إلى الله زلفى. Comme ceux qui cherchent secours auprès des statues, des idoles, des saints et des vertueux, en prétextant que ces actions les rapprochent en vérité d'Allah. وحكم هذا النوع من الشرك أنه كفر مخرج من الملة. Et le jugement concernant cette sorte de polythéisme est que c'est une mécréance qui fait sortir de la communauté musulmane. ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. Et Allah n'accepte rien de cette personne qui a agi ainsi. وصاحبه خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك. Et celui qui commet cela et qui est mort ainsi, il sera voué éternellement dans le feu de l'enfer. كما قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Akhrajahu al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui meurt alors qu'il invoquait en dehors d'Allah un égal à Allah, il entrera dans le feu de l'enfer, rapporté par al-Bukhari. Fa inna ash-shirk a'zamu adh-dhunubi 'ala al-itlaq. Le polythéisme, c'est le plus grand des péchés. Il n'y a aucun péché plus grand que le polythéisme. Et le plus grand bien et la plus grande bonne action, c'est le monothéisme. Il n'y a rien au-dessus du monothéisme. Et il n'y a rien de pire et de plus dangereux que le polythéisme. Cette règle, cette notion qui est dans l'islam, qu'on appelle الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. D'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le plus grand bien que tu ordonnes en toute priorité, c'est le monothéisme. Et le plus grand mal en priorité que tu dois mettre en garde les gens et interdire aux gens, c'est le polythéisme. Et vous voyez bien que les sectes égarées, ce n'est pas leur grand souci. Subhanallah. Donc les gens, pourquoi ils disent on n'arrive pas à distinguer? C'est vrai, des fois, il y a des questions qui sont un peu subtiles, difficiles, soit. Mais lorsque quelqu'un se retrouve dans des sectes qui appellent au polythéisme, qui appellent à vouer un culte à autre que Allah, ça c'est quelqu'un à qui Allah lui a mis un voile. Mais quelqu'un, le voile lui a été enlevé. C'est clair pour lui. Sauf si c'est une personne qui ne cherche pas la vérité. Et que son objectif n'est pas l'adoration d'Allah. Mais son objectif, c'est une question mondaine. Là, c'est une autre question. Mais quelqu'un d'honnête et de sincère, c'est clair comme le soleil à 4 heures de l'après-midi. Le soleil, quand il est là, au ciel, on n'a pas besoin de le montrer du doigt. Tout le monde le voit. Maintenant, si quelqu'un ne le voit pas, on ne peut rien faire pour lui. On ne peut rien faire pour lui. Parce qu'il ne veut pas la vérité. Mais il veut ce qu'il croit, lui, être une vérité. C'est sa vérité à lui. Mais ce n'est pas la vérité. Subhanallah. Comme une fois un tablier, il m'a dit, Harry, j'accepte que tu me conseilles sur plein de questions, sauf le horloge. C'est dur quand même. Hein. Je lui ai dit, ben Inch'Allah, je ferai des doigts, qu'Allah il te guide, sauf sur la question du horloge. Il ne veut pas. Et cette question-là, vous ne la touchez pas. Il ne veut pas être guidé. Subhanallah. Et combien sont dans ce mal, pour les gars de Bilal? Combien? Il y en a, vous leur parlez, ils font ça avec leur tête. Ça veut dire qu'ils sont d'accord. Ce qu'il dit lui-même, oui, c'est vrai. Mais dès qu'il a terminé, il retourne à ce qu'il était. Subhanallah. Il reconnaît et il fait le contraire. Combien? Quand il y a des gens qui sont en discorde et qu'une personne tierce se met en plein milieu d'eux, et ils l'écoutent tous. Et tout ce qu'il dit, ils savent que c'est vérité. Tous les conseils qu'ils donnent, ils savent que c'est vérité. Mais une fois qu'ils sont partis, ils retournent à leur problème. Subhanallah. Et combien sont ainsi, agissent ainsi? Elle nous la sincérité. Subhanallah. Donc la sincérité, ça se travaille toute la vie. Un bon musulman, il a peur que ses œuvres ne soient pas acceptées. Celui qui dit « moi c'est bon, tout est accepté », j'ai une crainte pour cette personne. Ça c'est un signe comme quoi il est à craindre pour cette personne. Les sahaba n'agissaient pas ainsi. Ils avaient peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Le prophète Mohammed sallam, qui est un prophète, messager, il est infaillible dans ce qu'il transmet de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, l'infaillibilité qui a été donnée au prophète et au messager. Et avec ça, dans la prière de la nuit, il invoque Allah avant la récitation et il dit « Oh Allah, Seigneur de Jibril, Seigneur de Israfil et Seigneur de Mikaïl, connaisseur de l'inconnu et du connu, du caché et de l'apparent. C'est toi qui juges entre tes serviteurs dans là où ils divergent. Guide-moi vers la vérité dans cette divergence, car tu guides qui tu veux vers un chemin droit. » Regardez, ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يوم دمض الله de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous faciliter à la suivre. Et on lui demande de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous faciliter à le délaisser. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle le père des prophètes, parce que la majorité des prophètes, le plus grand nombre de prophètes, ils sont dans sa descendance. Et plus précisément, dans la descendance de son petit-fils, Yaakov. Le plus grand nombre de prophètes, ils sont dans Banu Israël. Et Israël, c'est le nom de Yaakov. Yaakov, il s'appelle aussi Israël. Les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de Jacob. Alayhi salatu wa salam. Et Yaakov, c'est le fils d'Ishaq. Et Ishaq, c'est le fils d'Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Et il dit quoi, Ibrahim, alayhi salam? Il dit, « Wa la tukhzini yawma yub'athoun, yawma la yanfa'u malun wa la baloun, illa man atallaha biqalbin salim. » Et ne m'humilie pas le jour où ils seront ressuscités, le jour où aucune richesse et aucun enfant ne sera d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Ça, c'est la sincérité. Yusuf alayhi salam, cet honorable prophète, qui descend d'un prophète. Yusuf ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Vous avez vu la lignée? Subhanallah. Et au même moment, il est prophète. Il dit quoi? Tawaffani musliman wa al-haqni bis salihin. Fais-moi mourir en tant que soumis et ressuscite-moi. Fais-moi rejoindre les vertueux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aisha radiallahu anha, la mère des croyants, elle dit qu'il avait pour habitude, souvent il disait cette dua, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Donc, c'est pour cela que dans cette vie, il ne faut jamais se croire à l'abri. Et les œuvres ne valent que par leur finalité. إنما الأعمال بالخواتيم هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Et je jure par celui, ça c'est dans le hadith, c'est la fin d'un hadith, certains disent que c'est le sahabi qui l'a rajouté, c'est une parole du sahabi radiallahu anhu, je pense que c'est Abu Huraira, si je ne me trompe pas, radiallahu anhu, qui dit: et je jure par celui qu'il n'y a pas de divinité ni d'être de rendez-vous de lui, que l'un d'entre vous fait les œuvres des gens du paradis, jusqu'à qu'il y ait entre lui et le paradis que la distance du coudé, le livre le précède, il fait l'œuvre des gens de l'enfer et il entre en enfer. Et l'un d'entre vous fait les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à qu'il y ait entre lui et l'enfer que la distance du coudé, le livre le précède, et il agit avec les actions des gens du paradis, et il entre au paradis. Donc il faut toujours prier Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir, et de nous garder soumis de bons musulmans croyants, jusqu'à qu'on le rejoigne subhanahu wa ta'ala, et Allah nous agrée et nous accepte. Taïb. فإن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. Le polythéisme, c'est le plus grand des péchés, complètement. وَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ أَبَدًا. Et Allah jamais ne pardonnera à celui qui est mort dans le polythéisme. كما قال الله تعالى, comme Allah le Très Haut a dit, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Comme Allah le Très Haut dit dans le sens du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, et en dehors de cela, en dehors du polythéisme, il pardonne à qui il veut. Et celui qui associe à Allah se sera égaré d'un égarement lointain. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et Allah le Très Haut dit dans le sens du verset, certes celui qui associe à Allah, Allah lui interdit d'entrer au paradis, et il aura comme demeure le feu de l'enfer et les injustes, car c'est la plus grande injustice de donner un associé à Allah alors qu'il est le seul à t'avoir créé, subhanahu wa ta'ala, et les injustes n'auront pas de secoureur. وقال تعالى مبينا أن من أشرك لا يقبل عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Et Allah le Très Haut dit, en nous clarifiant que celui qui associe à Allah, ses œuvres ne seront pas acceptées. Et nous amenons le jugement dernier les œuvres qu'ils ont accomplies, et on les rendra comme le sable, comme la poussière qui est emmenée par le vent. Elle disparaît comme s'il n'avait pas agi dans ce bas monde. Et on a vu les conditions de validité des œuvres. Il faut la sincérité et la conformité. Œuvrez pour Allah tabaraka wa ta'ala, et l'œuvre qu'on œuvre dedans, qu'on accomplit, elle est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on applique le premier pilier de l'islam, qui est la clé de l'islam, avec laquelle on entre dans l'islam. La ilaha illallah, on adore qu'Allah seul qui est dit d'être adoré. Muhammadun Rasulullah alayhi sallam, on croit au prophète Muhammad sallam, et on croit ce qu'il nous a rapporté alayhi sallam, et on l'écoute et on lui obéit et on le suit si on veut vraiment être dans la guidée et que nos œuvres soient acceptées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on n'a pas à se poser des questions que certains se posent. Telle personne parmi le confrère qui est mort, mais il était connu, il faisait des bonnes œuvres. Il se peut que tu doutes. Subhanallah. Allahumma musta'an. Il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il a agi selon la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Non. Donc la question ne se pose même pas. Subhanallah. Ça, ce sont des bases de la religion. Il y a combien de piliers dans l'islam? Cinq piliers. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. Le premier pilier, il comporte deux points, deux témoignages. Pourquoi, quelle est la sagesse pour laquelle la إله إلا الله محمد رسول الله ont été réunis dans un pilier, subhanallah. Pourquoi il n'y a pas eu le pilier de la ilaha illallah, le pilier de Muhammad Rasulullah, puis la prière, ainsi de suite? Parce que le point commun qu'il y a entre les deux shahadas, c'est que ce sont les conditions de validité de toutes les œuvres qui viennent après. As-salat, elle peut être acceptée que s'il y a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. As-sawm, as-zakat, al-hajj, et toutes les règles de l'islam qui suivent, ne peuvent être acceptés que s'il y a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ils sont réunis dans un même pilier. Subhanallah. Ayyub. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, les œuvres sont au nombre de quatre, il n'y a pas de cinquième, sont au nombre de quatre. Première œuvre, elle a été faite sincèrement pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et elle est en conformité avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui agit ainsi, il est au plus haut degré. Et son œuvre, elle est acceptée. Deuxième œuvre, une œuvre qui n'a pas été faite pour Allah et qui est en contradiction avec la sunna du prophète en sallam. Celui qui agit ainsi, il est au plus bas degré et c'est la plus mauvaise des personnes. Et son œuvre, elle est rejetée. Troisième œuvre, une œuvre qui a été accomplie pour Allah, mais elle est en contradiction avec la sunna du prophète sallam. Et cette œuvre, elle est rejetée. Parce qu'on n'a pas le droit de se rapprocher d'Allah avec les œuvres que nous, on invente. On se rapproche d'Allah avec ce qu'il a légiféré, avec ce que le messager nous a enseigné, alayhi wa sallam. Alla na'bouda illa Allah, wa la na'bouduhu illa bima shara. On ne doit adorer que Allah, et on ne l'adore que par ce qu'il a légiféré. Et la quatrième œuvre, c'est une œuvre qui n'a pas été faite pour Allah, mais qui est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette œuvre, même si elle existe, mais il ne l'a pas fait pour Allah, elle est rejetée. Les trois dernières sont rejetées. Il n'y en a qu'une qui est acceptée. Elle est faite pour Allah et elle est en conformité avec la sunna du prophète alayhi wa sallam. Cherchez comme vous voulez, il n'y a pas de cinquième œuvre. Chaque œuvre, elle entre dans une des quatre catégories. La première, elle est acceptée, et les trois dernières, rejetées. Voyez. Et un shirk al-akbar, donc, fait que la personne sort de l'islam. Et toutes les œuvres qu'il a accomplies avant de devenir polythéiste, elles deviennent vaines. Enfin, c'est fini. Il les perd. Car le polythéisme majeur te fait perdre toutes tes œuvres. Tu n'as plus rien. Tu as tout perdu. Al-shirk al-asghar. Le polythéisme mineur, le plus petit polythéisme. Amma shirk al-asra, en ce qui concerne le polythéisme mineur, fa innahu min akbar al-kaba'ir. Même s'il est mineur, ça ne veut pas dire qu'on doit prendre la chose à la légère ou le négliger. Non, ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés. وَهُوَ دُونَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Mais il est en dessous du polythéisme majeur. وَصَاحِبُهُ لَا يُخَلَّتْ فِي النَّارِ. Et celui qui est tombé dedans ne sera pas éternellement dans le feu de l'enfer. C'est-à-dire qu'il peut tomber dans le feu de l'enfer si Allah en décide. Mais il n'est pas dans une situation qui fera de lui quelqu'un qui devra rester éternellement dans le feu de l'enfer. بل هو تحت مشيئة الله تعالى كسائر الذنوب والمعاصي التي دون الشرك الأكبر. Mais il est sous la décision divine d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est Allah qui décide. Al-mashi'a, c'est la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il veut, il lui pardonne. Et s'il veut, il le châtie. Là, c'est Allah qui décide. Et voilà la aqida de Ahl al-Sunnah wa al-Jama'a sur les personnes qui commettent les grands péchés et qui ne se sont pas repentis de leurs grands péchés. S'ils meurent ainsi, ils sont musulmans, ils sont morts ainsi, ils sont sous la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Soit Allah il leur pardonne, ou soit Allah les châtie pour le mal qu'ils ont accompli, qu'ils ont commis. Mais ils ne sont pas voués éternellement au feu de l'enfer. Contrairement aux sectes égarées, les deux extrêmes. Ceux qui ont été dans l'exagération et l'excès, et qui sont al-Khawarij, et ceux qui ont été dans le laxisme et le délaissement, qui sont al-Mujji'a. Les deux, ils se sont retrouvés sur un point. C'est quoi? Ils ont dit la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Regardez la raison, comment ils en sont arrivés à leur problème. Par quoi? Parce que pour eux, ils ont considéré la foi comme un bloc. Tu l'as ou tu ne l'as pas. La foi n'est qu'un bloc. Tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est l'un ou l'autre. Alors les premiers, ils ont dit quoi? Celui qui commet des grands péchés, il devient mécréant. Il n'a plus de foi. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la diminution de la foi. Et les autres, ils ont dit, puisque c'est un bloc, ils ont dit, c'est un croyant au plus haut degré. Même s'il a commis tous les péchés qu'il a commis. Et sa foi, elle est au même degré que les anges et les prophètes. Et que le mal et le péché ne nuit en rien à la foi. Et les uns comme les autres sont dans un égarement évident. Et le sunna, les gens de la vérité, ils disent la foi augmente avec les actes de rapprochement, les adorations et les bonnes œuvres, et elle diminue avec les actes d'éloignement, qui sont les péchés avec lesquels, à cause desquels ils s'éloignent de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Al-Khawarij, ils ont dit que celui qui meurt avec les grands péchés, il est éternellement dans le feu de l'enfer, puisqu'il a, il a perdu sa foi. Et Al-Mu'tazila, ils ont été d'accord avec Al-Khawarij, comme quoi il devient mécréant, mais ils ont dit que Yom Al-Qiyamah, il est dans une... Dans une impasse. Ils ont dit que dans la dunya, ils disent pas que c'est un mécréant, mais ce n'est pas un croyant. Il est dans un degré, je ne sais pas comment il l'appelle, et meilleur le qiyama au final, il est éternellement dans le feu de l'enfer. Barakallahu fi. Faut rester éveillé, les frères. Et quand on peut se trouver dans ce qu'on dit, il faut parler. Jazakallahu khair. Tayyib. On continue. Et parmi les exemples donnés par le Shir concernant quoi? Al-Shir Al-Asghar. Parce que vous ne saviez plus où on était. Dans quel chapitre on est? Al-Shir Al-Asghar. Le polythéisme mineur. Al-Riya. L'ostentation. L'ostentation, c'est un exemple de polythéisme mineur. وهو أن يعمل الإنسان العمل من أجل محمدة الناس ومدحهم وثنائهم. Et c'est le fait qu'une personne agit pour que les gens parlent en lui en bien, pour gagner les éloges et les belles paroles à son sujet des gens. وهو من أخطر الذنوب. Et il fait partie des plus dangereux péchés. لِأَنَّهُ عَمَلُ الْقَلْبِ. Car c'est une action du cœur. Elle est fine. Elle est fine. Elle est à l'intérieur. لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens de l'extérieur, ils ne voient pas ça. Et les gens, ça ne leur est pas demandé d'entrer dans le cœur des autres. D'abord, ils ne pourront pas. Et s'ils parlent, ils ne parlent qu'avec des suspicions. Et des hypothèses. Et des « je pense ». Mais ils n'ont pas la réalité. Et ils ne connaissent la réalité de la personne que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsque le prophète sallam il dit il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils témoignent qu'il n'y a de limite ni d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat. S'ils font cela, alors leur sang et leurs biens deviennent sacrés. Et leur jugement est auprès d'Allah. Parce qu'après, ce qu'il est de leur intérieur, ça c'est Allah qui le sait. Subhanahu wa ta'ala. Il y avait des munafiqin fil Madina, des hypocrites. Les sahaba, ils avaient des doutes sur certains d'entre eux. Il y en avait qui avaient des agissements qui prouvaient ce qu'ils étaient. Mais le prophète sallam les laissait. Ils sont considérés comme des musulmans. Pourquoi ? Il a dit, pour pas que les gens de l'extérieur disent « Mohammed est en train de tuer ses compagnons. » Les gens, ils savent pas. Eux, les munafiqis, ils sont avec les musulmans. Ils vivent ensemble. Ils vont à la mosquée avec eux. Et ils ont fait la shahada. Donc les gens de l'extérieur, qui voudraient peut-être rentrer dans l'islam, peut-être qu'ils vont avoir peur. Donc pour repousser ce grand mal, il a patienté avec eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné les noms des hypocrites. Et mais le prophète ne les a pas donnés aux compagnons. Il les a donnés à un seul. À un seul compagnon, Hudayfa ibn Yaman. Ça, c'est le secret du prophète. Il l'a donné à Hudayfa. Vient le califat de Omar. Radiallahu anhu. Et Omar attrape Hudayfa. Et il lui dit, Hudayfa, sur la liste qu'il t'a donné le prophète. Il lui a dit non, je ne peux pas te donner le mot. Il lui a dit non, je ne veux pas le mot. Je veux seulement savoir si moi j'en fais partie. Ça c'est, regardez Omar, subhanallah. Il craint pour sa personne. Et il lui dit, tu n'en fais pas partie et je ne répondrai à plus personne après toi. Parce que si tout le monde vient à la fin, on va savoir c'est qui. Toi t'en fais pas partie, t'en fais partie. Comme toi je te réponds pas. Subhanallah. Donc, il a dit, quoi je te le dis, et voilà. Ouais. Plus tard, le Omar Khattab, radallahu anhu, lorsqu'il y avait une janaza, une prière funéraire, il demandait, est-ce que Hudayfa y participe ? Si Hudayfa y allait, Omar y allait. Si Hudayfa s'abstenait, Omar n'y allait pas. Parce qu'il savait que ce n'était pas la raison. Subhanallah. Tayyib. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال Prophète صلى الله عليه وسلم en garde contre l'ostentation, contre le riya. Et il dit, عليه الصلاة والسلام, أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme mineur. Donc c'est le prophète qui emploie ce terme, الشرك الأصغر. Il l'a employé, alayhi salatu wassalam. Fasoul il a un. Et il a été questionné là-dessus. Faqal, il dit, riyal, c'est l'ostentation. Wahuwa yatanafa ma'al ikhlas. Et l'ostentation contredit et vient à contrer la sincérité. Alladhi huwa ahadu shuruti sihhati al-amal. Cette sincérité qui est une des conditions de validité des œuvres. Et un shirk al-asra, un riya, l'ostentation, celui-là, il vient à te faire perdre l'œuvre dans laquelle tu as fait l'ostentation. Mais tu ne perds pas les autres œuvres. L'ostentation, lorsque cela a été commis dans une œuvre, tu perds la valeur de cette œuvre. Mais ça ne nuit pas aux autres œuvres. ومن أمثلة الشرك الأصغر قول القائل لولا الله وفلان وما شاء الله وفلان. Et parmi les exemples de polythéisme mineur, il y a le fait de dire si ce n'était Allah et un tel. Ou comme Allah veut et un tel. لأن الواو تفيد مطلق الجمع. Car l'article et, ici c'est le waou, c'est et, On appelle ça une conjonction de coordination en français. Le « et là » fait que les deux choses qui ont été citées, elles sont semblables, elles sont unies au même degré. Donc quand tu dis « Allah » et « un tel », tu les as mis au même stade. Et ça, ça devient du shirk asghar. فَتَحْتَمِلْ التَّشْرِكْ. Donc, on pourrait comprendre de là qu'ils sont associés. وَقَدْ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَجُلًا يَقُولْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتْ. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu un homme dire « Comme Allah veut et toi » en parlant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. Et le prophète m'a dit, m'as-tu rendu un égal à Allah, un semblable à Allah, dit comme Allah veut seul. ومن أمثلة الشرك الأصغر الحلف بغير الله. Parmi les exemples de polythéisme mineur, le fait de jurer par autre que Allah. كَمَنْ يَحْلِفُ بِالنَّبِي أَوْ الْأَمَانَ أَوْ الْحَيَاتِ. Comme le fait de jurer par le prophète, ou de jurer sur l'honneur, ou de jurer sur la vie. أَوْ أَلِي مَخْلُوقٍ كَانْ. Ou quelle que soit la créature. وَقَدْ صَحَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالْ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرْ أَوْ أَشْرَكْ. Et il a été authentifié que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui jure par autre que Allah a fait acte de mécréance ou de polythéisme. وَالْأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرًا. Et il y a plein d'autres exemples. فَلْيَنْتَبِهْ إِلَى الشِّرْكِ بِنَوْعَيْهِ الْأَكْبَرْ وَالْأَصْغَرْ. Donc, qu'on soit bien averti, qu'on prête bien attention au polythéisme dans ces deux sortes, le plus grand et le plus petit, le majeur et le mineur. لِأَنَّهُ أَعْظَمُ الظُّنُوبِ. Car c'est le plus grand des péchés. وَلْنَتَحَصَّلْ مِنْ ذَلِكَ. Et que qu'on se fortifie contre cela en nous attachant, en nous cramponnant au livre et à la sunna, wa bi tahqiq at-tawhid wa takhlisih min ash-shirk wash-shawa'ib wal-bid'ah allati dakhalat fi aqa'id al-muslimin min haythu la yash'urun. Qu'on réalise le monothéisme et qu'on le libère du polythéisme et de toutes sortes d'innovations qui sont entrées dans les croyances et le dogme des musulmans de là où ils ne s'y attendaient pas. Wa subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.